Parfum de Chine, couleur d'Amérique latine, cuisine de l'océan Indien, accent du sud marocain, coiffure d'Afrique noire, Europe de l'Est, à vous de voir. Belle chinoise câline, rêvant de musiques argentines, mauricienne de l'Est parisien, dégustant un couscous tunisien, superbe gabonaise dans le couloir, écoutant les airs roumains du désespoir. Quelle chance divine de vous voir aux devines, que l'espoir n'est pas vain, qu'il ne faut presque rien, pour que les pensées les plus noires se transforment en bonheur de vous avoir.